الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في درسنا الماضي أخذنا المقدمة الجزء الثاني من المقدمة la dernière fois on avait pris la deuxième partie de la muqaddima de l'introduction de l'auteur dans laquelle il présente le sujet qui sera abordé dans ce kitab بإذن الله Donc comme il a dit, قسم كتابه على ثلاثة فصول. Il a classé son livre en trois chapitres principaux. الأول حق الزوج على زوجته. Le premier c'est le droit de l'époux sur son épouse. ثم حق الزوجة على زوجها. Ensuite le droit de l'épouse sur son époux. ثم ختم الكتاب بحق الزوجين المشتركين. Et ensuite, il a clôturé le livre par le troisième chapitre qui est les droits communs, les droits mutuels des deux conjoints. فَبَدَهَا بِحَقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ Donc il a commencé par celui-ci qui est le droit de l'époux sur son épouse. أَوَلَنْ En introduction de ce droit qui sera cité, il revient à chacun parmi les musulmans de se rappeler qui il est et quel est son rôle et sa place en ce bas monde. Comme a dit Ta'ala, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns, les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Que Allah Azzawajal nous a créés pour son adoration et que l'on unifie en cela. D'accord ? Donc nous ne sommes pas là pour avoir le choix et être libre et être dépendant. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'islam de base, huwa al-islam lillah bit-tawhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est le fait d'être soumis à Allah par le tawhid et l'assujettissement par l'obéissance et le désaveu du shirk et de ses gens. Donc le musulman, il est soumis. C'est-à-dire que dans sa vie, il fait des choses dont il n'a pas le choix. Il doit agir en fonction de ce que lui dicte sa religion. Sa place, c'est celle que Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Homme comme femme. Cela ne se base pas sur nos idéologies ou sur nos envies ou nos passions. Cela se base sur la religion. Et être musulman, ça veut dire être soumis. D'accord ? Donc ce que Allah Azzawajal a décrété, on doit l'accepter et s'y tenir autant que possible. Hadha. Wa kama qala ta'ala huwa a'lamu bikum iz anja'akum min al-ard wa iz antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum Il est plus savant de vous-même alors qu'il vous a sorti de la terre, alors que vous étiez également des fœtus dans le ventre de vos mères, alors ne vous vantez pas vous-même et Allah Azzawajal est plus savant de qui est le plus craintif. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. C'est un ordre de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu minallahi hukman liqawmin yuqinun. Et qui donc est de meilleur jugement et de décret que Allah pour un peuple qui croit. Donc ce que Allah Azza wa Jal a décrété, on doit l'accepter et s'y résigner. De bon gré ou de mal gré, bien que le mal gré n'est une chose qui sera blâmable, mais de bon gré ou de mal gré, on doit se résigner à ce que Allah Azza wa Jal l'a décrété. Naam. Sans quoi, yakhsha alayna an nadkhul fi qawli Allah Azza wa Jal. ذلك بينهم كرههما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Cela du fait qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre, donc de là Allah a effacé leurs œuvres. Donc ne pas aimer une chose que Allah a décrété et a révélé, cela est une chose qui annule l'islam. Et cela revient également à vouloir juger par autre ce que Allah a fait descendre, en pensant que cela est permis. Comme a dit Ta'ala, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et dans un verset, وَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Et qui donc, quiconque, là ce n'est pas que propre au gouverneur, c'est quiconque, d'accord, juge, parce que autre que Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les pervers, c'est-à-dire quelqu'un qui n'agrée pas le jugement d'Allah Azza wa Jal et qui voit que autre jugement que le sien est valable ou meilleur, ou ainsi de suite. Et là c'est une muqaddima pour avertir par rapport, là maintenant, aux femmes qui ont en elles cette graine, ce poison, ce cancer, cette gangrène qui amène à cette idéologie qu'on appelle le féminisme, dans lequel la femme réclame des droits qui ne lui reviennent pas et qu'elle veut prendre un statut qui n'est pas le sien. Et cette gangrène-là, lorsqu'elle est dans le cœur de la femme, elle lui pourrit la vie. Elle pourrit la vie de cette femme-là et de son entourage. Et principalement de son époux si elle est mariée et si c'est une musulmane. Cela va forcément amener à un grand nombre de désaccords dans le foyer, un manque de baraka et de nombreuses mauvaises conséquences. Fayaqul, الذي ينبغي على المرأة أن تعلم أن حق زوجها عليها عظيم وإنه أعظم من حق أبويها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Il a dit, donc il revient à la femme qu'elle sache que le droit de son mari sur elle est immense et que le droit de son époux est encore plus grand sur elle que le droit de ses propres parents qui pourtant l'ont mis au monde. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si je devais ordonner quiconque à se prosterner, pour quiconque, c'est-à-dire parmi les créatures, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux. Et pourtant, vous le savez, que la prosternation pour autre que Allah azawajal, c'est du shirk akbar. Cela n'a été permis que dans deux cas. Lorsque Allah azawajal a demandé aux malaïka de le faire pour Adam, par révérence envers Adam, et par obéissance à Allah azawajal, et que cela également était une forme de salutation dans les sharia qadima. Dans les anciennes législations, comme ce fut le cas pour Youssouf, lorsque ses parents se prosternèrent pour le saluer. Depuis, cela a été abrogé, et aujourd'hui, le sujoud, les relillah azawajal, shirkun akbar. Donc, voyez l'importance, le Nabi sallam l'a dit que si jamais cela devait être permis, cela n'aurait été permis que pour l'épouse envers son époux, qu'elle se prosterne pour lui. Malgré cela, ce n'est pas permis. C'est pour voir, le côté important et intense de la chose. Naam. Wa qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith akhar, لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها والذي نفسي بيدي لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استكبرته ولحسته ما أدت حقه. Il a répété le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne convient pas à un humain de se prosterner pour un autre humain. Et si jamais cela aurait été accepté, ça l'aurait été pour l'épouse envers son époux, pour la grandeur du droit qu'il a sur elle. Et il a juré par celui dont mon âme est dans sa main que si l'époux avait une blessure allant de son pied jusqu'à sa tête de laquelle coulait du pu, et que sa femme venait à venir l'essuyer même avec sa langue, elle ne lui aurait pas rendu son droit. Donc, regardez encore l'exemple extrême qu'a donné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour montrer le droit de l'époux sur son épouse. Donc ça, je sais que ce genre de hadith, dans le cœur de beaucoup de femmes, bon déjà les kafirat, c'est sûr qu'elles n'acceptent pas, et les sœurs qui auraient quelconque répulsion face à ce genre de hadith, qu'elles se remettent en question. D'accord? Ce jugement vient d'Allah Azzawajal via la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a créés et que l'on doit adorer. Et qui a décrété toutes choses. Le temps de vie, la subsistance. Est-ce qu'on sera heureux, malheureux et à qui on doit tout? Et il a dit, il nous connaît mieux. D'accord? Il nous connaît mieux. Nous-mêmes, il sait qu'il nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Et il sait, chaque chose a été mise à sa place. Regardez la nature, tout est à sa place. Donc l'être humain doit se mettre à sa place. D'accord? Et c'est pour cela que la femme, dans cette mas'ala-là, doit savoir quelle est sa place par rapport à son époux. Mais ne pas s'inquiéter, l'épouse également, elle a des droits qui vont suivre par la suite, Inch'Allah. Naam. Yaqul, wa qala al-Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, wa laysa ala al-mar'a ba'd haqqillahi wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam, أوجب من حق الزوج que après le droit d'Allah et le droit de son messager sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh al-Islam dit que la femme n'a pas de droit plus important sur elle, de devoir plus important si ce n'est envers son époux. Donc là maintenant, l'auteur, après avoir précisé ce point indispensable, il va évoquer maintenant une douzaine de droits. الأول القوام عليها, que l'homme a autorité sur la femme. Et cela, bien sûr, est la suite logique de ce qui est de ce qui a précédé. D'accord ? L'école de la Azawajel, Ar-Rijal Kawamun al-Nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, wa bima anfaqou min amwalihim. Que les hommes ont autorité sur les femmes parce que Allah Azawajel leur a gratifié en plus les uns sur les autres, c'est-à-dire ce que Allah Azawajel a donné comme prédominance sur l'homme par rapport à la femme et pour les biens qu'il dépense. Et pour les biens qu'il dépense. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الرجل قيم على المرأة أي ورئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. Il a dit ابن كثير par rapport à ce verset que l'homme c'est lui qui a autorité et dirige la femme. Il est comme son président, il est comme son grand, son dominant. Il est le juge par rapport à elle et son éducateur lorsque celle-ci justement a besoin d'être cadrée. Et il a dit également لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك أو الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. Et il a dit aussi du fait que les hommes sont meilleurs que les femmes, c'est-à-dire que le genre masculin est meilleur que le genre féminin. D'accord ? Et c'est pour cela que la prophétie et le message est une chose qui était spécifique aux hommes, pas pour les femmes. Également, la royauté, c'est-à-dire le gouvernat suprême, le fait d'être chef suprême, c'est une chose qui est propre à l'homme. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne réussira jamais un peuple qui aura confié sa régie, d'accord, c'est-à-dire son gouvernat à une femme. À une femme. Donc les femmes n'ont pas le droit d'avoir des postes d'autorité sur les hommes, ni d'être dans le domaine gouvernemental avec une autorité, ni dans l'armée, ni dans la police, ni même d'être imam pour la salat, diriger la salat. D'ailleurs, salat dirigée par une femme, cette salat sera bâtie pour les hommes derrière elle. Est-ce qu'il s'ensuit ? Ni elle fait la khutba du mois. D'accord ? Non. Et il a dit, c'est-à-dire pour les biens qu'ils ont dépensés par le mahr qu'ils leur donnent lorsqu'ils se marient, et également toutes les dépenses du foyer qui incombent, tant le père pour ses filles, ou le grand frère pour ses petites sœurs, que l'époux pour sa femme, et ce qui s'ensuit. Les hommes dépensent pour les femmes. À la base, la femme n'a pas de charge financière sur elle. D'accord ? Tout revient aux hommes, de base. Est-ce que cela interdit qu'elle puisse avoir son entrée d'argent personnelle ou quoi ? Non. Cela ne l'interdit pas. Mais s'il y a des dépenses à faire obligatoires, celles-ci incombent aux hommes par rapport à elles. D'accord ? Par rapport à elles. Et en ce qui concerne le fait que la femme ait ses propres biens, son propre argent, son salaire, c'est une chose que l'islam lui permet tant que cela reste dans les limites légiférées. Taïeb ? Car des femmes veulent leur indépendance, leur liberté, alors qu'à la base, ni homme ni femme n'est libre. Tu es un musulman, tu n'es pas libre, tu es soumis à Allah Azza wa Jal. Kulinna hayati wa mamati wa kulli salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Dis certes ma salat, ainsi que mes sacrifices, ainsi que ma vie, ainsi que ma mort sont à Allah. C'est ça qui m'a été ordonné, je suis le premier des soumis. Donc on n'est pas libre, ni homme ni femme. Tu n'es même pas libre de ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. C'est Allah qui te l'a confié. Il va le reprendre un jour. D'accord ? Si tu étais libre de ton corps, ton cœur y bat sans que tu le désires. Ton sang circule sans que tu ne le contrôles. Ta respiration se fait sans ta volonté. Ton corps ne t'appartient pas. C'est un dépôt qu'Allah t'a donné. Et c'est Allah qui contrôle ton corps. Il t'a juste laissé le libre choix dans ton âme. Est-ce que ton âme va suivre ? Comme ton corps s'est soumis, est-ce que ton âme va se soumettre également à ses décrets ? Donc, on n'est pas libre. Taïe, on n'est pas libre. Et des femmes qui veulent plus que ce qu'Allah leur a accordé comme droit, par exemple dans le travail, masalad, vont souvent prendre la hujja que Khadija, radiallahu anha, était une commerçante. On dit non, elle était une commerçante, mais déjà, Khadija, radiallahu anha, c'était avant, elle s'est mariée avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avant que ne vienne la révélation, et avant que ne viennent beaucoup de règles de l'islam, car les règles de l'islam sont venues à quel moment ? Une fois que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la hijra et le Medina. Avant cela, Khadija était une commerçante, mais Khadija ne se mélangeait pas aux hommes. Khadija, justement, à l'employé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il la représente et que lui soit de confiance et qu'il sorte pour elle. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, elles se mélangent aux hommes, dans la mixité, elles s'habillent mal. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Et oser comparer Khadija à ce que font les femmes aujourd'hui, cela reviendrait à diffamer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à dire que c'est un déyous, quelqu'un qui n'a pas de jalousie. Et également, ça revient à diffamer Khadija, à la rabaisser de son rang. Donc ne pas faire un qayas, yani fa'asid, hors contexte. D'accord? Khadija, elle a travaillé, c'était avant la révélation. D'accord? Et elle prenait des hommes à son service avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit son époux, justement pour qu'elle n'ait pas à s'exposer aux hommes et à faire ce genre de choses. D'accord? Donc la femme fait avoir son travail, si son mari lui autorise, son argent à elle, qu'elle dépense comme bon lui semble, tant que c'est raisonnable, voyez, même si elle gagne plus que son mari, c'est son mari de dépenser pour elle, mais ne pas dépasser les limites et ne pas croire que c'est un droit. Ce n'est pas un droit que la femme a de travailler, ce n'est pas un droit. D'accord? C'est une permission que son mari ou son père va lui donner. Ce n'est pas un droit qu'elle a travaillé. Si son mari lui l'interdit, elle obéit. Si son père lui interdit, elle obéit. Donc, bien mettre les choses à leur place. Non. Mais toutefois, s'il n'y a aucun problème et que ses tuteurs, ses aouliers, elle lui accorde, elle a le droit de faire cela, mais dans les bonnes conditions. Thumma yaqul wa lirijal alayhinna daraja, et que les hommes ont un degré sur elles. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa laysa dhakaru kal unsa, et que l'homme n'est pas comme la femme. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, c'est-à-dire de la foi et de la raison. Cependant, seules trois femmes l'ont atteinte. Trois femmes seulement l'ont atteinte. Il a dit Asiya, la femme de Firaun, Maryam bint Imran. Et il a dit que le mérite de Aïcha sur les autres femmes équivalait au mérite du Salid. Salid, c'était la nourriture qu'il y avait de meilleure à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit qu'elle était son mérite à elle et comme le mérite du Salid sur toutes les autres nourritures. Et après, il y a eu un khilaf. Qui était la meilleure des épouses? Est-ce que c'était Khadija ou Aïcha? Les ulama disent que Aïcha kanat afdal min haythu al-ilm wal-nashr wal-da'wa. Que Aïcha était meilleure que Khadija dans le ilm et dans la propagation du ilm, car elle a porté un grand profit à l'islam. وثانياً خديجة كانت أفضل من حيث التأييد والنصرة, que elle était meilleure du fait que c'est elle qui était là dans les premiers pas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le soutenir, le secourir. Donc c'est très important qu'une femme soit auprès de son mari. Quand il n'est pas bien, elle le rassure. D'accord? Elle le console. Et ainsi de suite. Ce n'est pas l'accable et elle lui met la pression, je ne sais quoi. Non. Elle doit être un soutien pour lui. C'est ce que Khadija a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation est venue d'ailleurs. La première à avoir cru, on va dire à la dite loc, le premier humain à avoir cru en le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était elle. Sa femme, son épouse. Puis sont venus d'autres par la suite. Elle a cru dès le début sans hésiter. Elle a soutenu. Et elle a consolé. Et regardez bien, lorsqu'il parle justement des femmes qui ont atteint l'imperfection, Asiya ou Maryam, et c'était Aïcha. Est-ce qu'on entendait que Asiya sortait au milieu des gens faire da'wah? Non. Maryam, est-ce qu'on entendait de Maryam? Même il y a eu un khilaf, il y a des ulama, ils pensent que Maryam était une nabiya, une prophète, comme l'a dit Ibn Hazm. Alors que son avis n'est pas correct. Malgré cela, voyez, voilà. Et également la mère de Moussa, car il dit « Wiz uhayna ilu mika mayuha » si nous avons révélé à ta mère ce que nous avons révélé en parlant de Moussa. C'était une révélation de quoi? D'inspiration et non pas de révélation divine comme celle que reçoivent les prophètes. Malgré cela, est-ce qu'on a vu Aïcha sortir au milieu des hommes faire da'wah? Est-ce qu'on a vu Maryam sortir auprès des hommes faire da'wah? Mère de Issa. Est-ce qu'on a vu Asiya faire cela? Non. Pourtant, aujourd'hui, on voit un phénomène de femmes qui s'exposent aux yeux de tous pour faire da'wah, soi-disant, même avec leur niqab. Cette façon de faire-là, c'est une façon qui ne revient pas à la femme. La femme veut faire da'wah, mais à son niveau et à sa manière. Aux yeux de tous, comme ça, déjà filmé, taswir, on connaît le hukm qui n'est pas permis, même si elle est couverte, parler aux hommes, normal, et qui plus est, dans sa darwa, a appelé une forme de féminisme caché. Comme on l'a vu dans certaines, que sûrement vous avez entendu parler, qu'on n'a pas envie de citer, d'accord? Ces femmes-là font plus de mal que de bien. Et on dit à leur mari de craindre Allah, azawajal, car les premiers responsables de cela sont les maris qui leur autorisent de faire cela. D'accord? Et on avait pris déjà au début du livre que le croyant doit baisser le regard. Donc tu n'as pas le droit de regarder une vidéo d'une femme qui fait da'wah. Elle peut te dire tous les meilleurs versets de la terre avec le meilleur tajwid et les meilleurs hadith. Tu n'as pas le droit de la regarder. Et il en est de même pour la femme avec l'homme. Les vidéos des savants, des prédicateurs ou quoi, il n'est pas permis aux femmes de les regarder. Les hadillets, on les a cités hier, ou plutôt dans le dernier ders, qu'on doit baisser le regard. Et c'est valable pour tout. Même pour les ulama. Un alim, ça reste un homme étranger, qui peut être une fitna pour les femmes. Le prédicateur, pareil, et peut être une fitna pour les femmes. Alors que dire d'une prédicatrice, d'accord, qui s'expose et qui se met en premier plan? Et ça, c'est un phénomène nouveau. Il n'y avait pas ça auparavant. Ça, c'est la fitna des réseaux sociaux et de ces téléphones et tout ce qui s'ensuit comme Taswir et autres. De tout le monde qui veut se mettre en avant. Donc regardez bien, cela contredit la voie sur laquelle étaient les meilleures des femmes les plus complètes. Elles n'ont pas agi de la sorte. Elles se cachaient des hommes. Elles se préservaient. Ce qui n'empêche pas qu'un homme puisse profiter d'une femme derrière hijab. Les hommes venaient voir Aïcha et l'interroger, mais de derrière hijab. Ils lui parlaient de derrière la porte. Elle ne venait pas devant eux et se mettait à parler, même couverte. Jamais de la vie. Et pourtant, elle était leur mère. Elle aurait été un mahram. Dans le sens, le mariage était interdit. Malgré cela, elle ne le faisait pas. Naam. طيب ثم قال ومما خص الله به الرجال كثيرا من العبادات كالجهاد ووجوب الجمع والجماعات وخص عمومها او عمومهم ايضا بكمال العقول ورزانه والصبر والجلد والتحمل الذي ليس للنساء مثله. Il a dit également qu'est-ce que Allah Azawajal a accordé aux hommes. Il leur a accordé beaucoup d'adoration à faire en groupe, comme le jihad, comme les salat al-jumu'a, comme la salat al-jama'a, chaque jour, ou également qui leur a parfait leur raison, ainsi qu'il leur a accordé plus de sérieux et d'endurance et de patience et de fermeté que à la femme. La femme est plus fragile, la femme est plus vulnérable. D'accord? Ça, c'est une chose qui est connue. Dire cela n'est pas un rabaissement de la femme, c'est une réalité que la femme est plus sensible. La femme a pleuré plus que l'homme. La femme va avoir peur plus vite que l'homme. La femme va perdre son sang-froid plus vite qu'un homme. La femme s'emplisse par les émotions plus vite qu'un homme. Cela est certain. Personne ne pourra nier cela. D'accord? Donc de là, ces fonctions, on va dire, à responsabilité et qui demandent de la force, cela revient aux hommes. Et alhamdoulilah pour la femme que cela ne lui a pas été imposé. C'est un tarfif pour elle en réalité. Qu'elle n'aura pas eu les éléments, on va dire, physiques et moraux pour pouvoir les affronter. Donc, alhamdoulilah, pour elle, c'est une rahma d'Allah Azawajal, en réalité. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma raitu min naqisatil aqlin wa dinin adhaba li lub al-rajul al-hazim min ihdakunna. Kunna wa ma naqsu, ou naqsan dinina wa aqlina, ya Rasulullah, qu'ale alaysa shaharatu al-mar'a misl nifs shaharatil al-rajul? Kunna, bala, qu'ale fa alizalika, afya zalika min naqsan aqliha. Alaysa za, iza hadat, لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك او فذلك يا فن من نقصان دينها. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai pas vu de personne à la raison réduite ou à la religion réduite comme l'une d'entre vous faire perdre la raison à un homme déterminé. Et c'est vrai que les femmes, elles arrivent à faire perdre la tête aux hommes, tant dans la colère que dans le bien également. D'accord? Tu verras des femmes, des hommes faire des choses incroyables par amour pour une femme. Un homme que tu verras sur une intelligence et une clairvoyance incroyable devant une femme, tu vas le voir peut-être se liquifier par amour pour elle et perdre sa raison et faire des choses incroyables. D'accord? Donc ça va, le hadith va dans les deux sens. Soit dans la colère par sa raison réduite quand il y a des décisions à prendre et que la femme ne comprend pas, ne suit pas, l'homme il peut se mettre en colère très vite. D'accord? Ou le contraire. Que pour elle et pour lui accorder ce qu'elle désire ou autre, que l'homme peut faire des choses qui ne sont pas du tout raisonnables, irréfléchies, par rapport à elle. Quoi qu'il en soit, les sahabiyats ont demandé, mais comment est-ce que la raison, elle est réduite, et la religion, elle est réduite? Et l'a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la sharat d'une femme, ça vaut la moitié de celle d'un homme? Elles ont dit si. Elles ont dit ça, c'est la raison. Là, ça, c'est son manque de raison. Et ensuite, il a dit, n'est-ce pas que lorsque la femme, elle a ses menstrues, ni elle ne fait la salat, ni elle ne jeûne, elles ont dit, si, il a dit ça, c'est sa réduction dans sa religion. D'accord? Non. Et c'est une chose que, comme on l'a dit au début, c'est Allah qui l'a créé comme ça, ce n'est pas elle qui l'a choisi, ce n'est pas elle qui l'a demandé, c'est Allah qui l'a créé. Tout comme Allah l'a créé des hommes grands de taille, petits de taille, obèses, minces, blonds, bruns, noirs, blancs, ce qui s'ensuit. Cette physionomie, on ne l'a pas choisie. Et ben également cette on va dire déficience dans la religion ou dans la raison, c'est Allah Azzawajal qui l'a décrété pour la femme. Ce n'est pas elle qui a voulu être comme ça. Donc c'est pour cela que chacun qui relativise et prend les adilets en considération, il sait quelle est sa place. Et celui qui a sa place, mashallah, il facilite les choses à tout le monde. Déjà à lui-même en premier lieu, puis à tout le monde dans son entourage et la société entière. Mais celui qui veut faire du hors-piste, qui veut prendre une place qui n'est pas la sienne, il va mener un désordre. Homme comme femme. Celui qui veut prendre une place qui n'est pas la sienne va causer le désordre dans ce système qu'Allah Azzawajal a mis sur terre pour avoir l'harmonie et avoir le bien-être. Taïm. Et d'ailleurs, Yaqul wa zawj sayyid azawja fi kitabillah ta'ala comme qu'Allah ta'ala wa al-faya sayyidaha ladal bab. Il a dit que l'homme, c'est le sayyid, c'est-à-dire c'est le maître de son épouse. Et Allah Azzawajal l'a cité de la sorte dans son livre, en parlant de la femme de Al-Aziz, la femme qui hébergeait Youssouf alayhi salam. Lorsque celle-ci a voulu le séduire, et que Youssouf a voulu se débattre pour se défendre, d'accord? Et que par la suite, elle s'est dirigée vers la porte, en ouvrant la porte, il a dit, Wal faya sayyidaha ladal bab. D'accord? Qu'ils ont trouvé son sayyid, son maître, c'est-à-dire son époux, derrière la porte. C'est Allah Azzawajal lui-même qui l'a nommé sayyid. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa zawja aniya wa asira fi sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul fa man khalafa hadhihi al-adilla fa huwa fasid at-tab' wal-fitra. Celui qui s'oppose à ces adilla, c'est une personne qui aura sa nature saine, en fait, qui sera corrompue. Il ne sera plus sur la nature saine humaine. Car même humainement parlant, il n'y a pas un homme qui n'apprécie pas de voir une femme qui le suit et qui l'obéit dans le convenable. Il n'y a pas, tu ne verras pas un homme aimer une femme qui se rebelle et qui conteste pour rien et qui tout le temps répond ou qui veut être son égal. Non. Même chez les koufars, ça ne sera pas accepté, ça. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Ils vous disent ça juste pour pouvoir mieux assouvir ses envies sur la femme. D'accord? C'est un peu comme ces fornicateurs qui vous parlent d'amour, de romantisme. C'est que du mensonge. Et bien, ces hommes qui vous prônent le féminisme ou l'égalité des sexes ne sont que des menteurs. D'accord? Ou des menteurs ou des hommes efféminés eux-mêmes. Qui ne voient pas plus de la force de pouvoir justement assumer leur rôle dans cette société. C'est ou l'un ou l'autre. Tout ça pour amadouer la femme et mieux l'exploiter. Yaqul thaniyan ta'atuhu mutlaqan bihasb istita'a fi ghayri ma'siyah. Deuxième chose, qu'elle doit l'obéir dans l'absolu, dans la mesure du possible, et cela, tant que ça n'amène pas à une désobéissance. Tant que ça n'amène pas à une désobéissance. Et dans le Coran, elle a dit, fina ta'anakum falatabrou alayhinna sabila. Et si elles vous obéissent, alors laissez-les. Et cela après qu'il ait dit وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَارْجُلُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Celles dont vous craignez la rébellion, alors exhortez-les, puis boycottez-les dans le lit, à la maison, puis frappez-les, et si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de grief sur elles. D'accord? Donc les étapes, elles seront là. Quand la femme ne veut plus obéir, il faut l'exhorter, lui faire le rappel. Si jamais elle persiste, il faut à ce moment-là la boycotter à la maison seulement. C'est-à-dire dans le lit, tu ne la touches pas, tu lui tournes le dos. Troisième étape, si elle n'accepte pas, là il est permis de faire preuve d'un peu de brutalité. Et le fait qu'il soit permis que la femme soit brutalisée par son mari, ce n'est pas comme on s'imagine qu'il y ait de la tabasser, la lyncher ou la massacrer. Non, c'est wa alaykoum salam. Non, c'est la redresser en fait. D'accord? Tant que cela n'amène pas à la blesser ou à la frapper au visage ou autre. C'est une correction qui s'est faite dans les limites de la législation. Et le meilleur est de ne pas le faire, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ses femmes. C'est juste une chose que Allah azza wa jalla a permis en dernier recours lors de la rébellion. D'accord? En dernier recours lors de la rébellion. Et malgré tout, le meilleur est de ne pas en arriver là. Non. Yaqul قال النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. النبي صلى الله عليه وسلم a été interrogé, quelle est la meilleure des femmes? D'accord? Quelle est la meilleure des femmes? Il a dit celle qui te réjouit lorsque tu la regardes, celle qui t'obéit lorsque tu lui ordonnes, et celle qui ne s'oppose pas à ce que tu n'aimes pas en elle-même et dans tes biens. Taïeb. Donc regardez bien, il a dit, quelle est la meilleure des femmes? Il a dit, celle qui te plaît, qui te réjouit quand tu la regardes. Donc cela est une chose qui est relative d'un homme à un autre. D'accord? C'est une chose qui est relative d'un homme à un autre. La beauté, c'est une chose qui est relative d'un homme à un autre. Un homme pourra trouver une femme belle, et un autre la trouvera moins belle. Et ainsi de suite. Ce qui est important, ce n'est pas que la femme soit belle, c'est qu'elle soit belle aux yeux de son époux. Elle soit belle pour son époux. Taïeb, encore la ta'ala, wunna libasun lakum, wantum libasun lahunna. Qu'elles soient un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Donc Allah Azzawajal a comparé le couple comme étant un vêtement pour se recouvrir. Donc on dira à la femme, ne sois pas du prêt-à-porter, mais sois du sur-mesure pour ton époux. D'accord? Ne sois pas du prêt-à-porter qui conviendra à n'importe qui, mais du sur-mesure pour ton époux. C'est ça qu'il faut que ce soit. D'accord? La beauté, celle qui est acceptée aux yeux de son époux. Ensuite, il a dit, celle qui t'ordonne lorsque tu, celle qui t'obéit lorsque tu ordonnes. Voyez? Et ça, ça revient tout à dire les précédents. Quand une femme, tu donnes un ordre, tu la diriges, tu demandes une chose et qu'elle obéit, ça ne fait qu'ajouter de l'amour et du respect pour elle. Contrairement à celle qui conteste, qui répond et qui se rebelle. Et celle également qui ne fait pas ce que le mari n'aime pas. Même si c'est halal, elle sait qu'il n'aime pas cela, une chose qu'il n'aime pas, elle ne le fait pas. Car elle fait en sorte justement de lui plaire le plus possible. D'accord? Et cela en elle-même ou dans les biens de son époux. Elle ne prend pas les biens de son époux pour les dépenser comme cela ne lui convient pas. Et elle ne fait pas des choses en elle-même que son mari n'aime pas. Même si c'est halal. D'accord? Elle fait tout en sorte pour que, lorsque son mari la regarde, d'accord, il soit satisfait d'elle, autant que possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que le mari, ça devient un tortionnaire et un dictateur qui veut tout, d'accord, à la lettre. Ça reste, la femme reste un être humain. Mais, quoi qu'il en soit, la femme fait l'effort de pouvoir agir de la sorte. Et elle verra que son époux, cela ne fera que jeter de l'amour pour son époux envers elle. C'est une réalité. Donc on dit bien que la beauté de la femme ne revient pas au goût des gens, ça revient au goût de son mari. Si la femme est belle au goût de son mari, alhamdoulilah, alors elle est parmi les meilleures des femmes. D'accord? Regardez bien, les meilleures des femmes, c'est par rapport à son époux, à la vision que son époux a d'elle. Et les versions parlent d'un époux, d'une personne à minimum droite et à minimum réfléchie, bien sûr. Pas des fous ou des extrémistes ou je ne sais quoi. D'accord? Ou des gens extravagants qui ont des idées bizarres. On parle d'un homme dans la norme. Et sachez que l'istiqama, la droiture en religion, est parmi les choses qui embellissent le plus la femme. Et ça la rend majestueuse. Une femme pieuse, droite, wallah, est nettement plus belle que même les Miss Monde ou les Miss France ou les Miss que vous voulez qui s'exhibent devant tout le monde. Les femmes en islam, d'accord, ont en réalité la vraie beauté qui est celle de la pudeur et celle de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et cela les embellit. Aux yeux de qui? Aux yeux des gens, des hommes qui sont dans la même catégorie également. Non. Yaqul, fatta'a takunu bihasab al-istita'a. Donc maintenant, l'obéissance de la femme se fait dans ce qui lui est possible. D'accord? Dans ce qui est dans ses capacités. Fattaqullaha mastata'tum. Et craignez Allah comme vous le pouvez. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et qu'Allah n'impose pas à une âme si ce n'est qu'elle peut le supporter. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, 'alaykum min al-a'mal ma tutikun, et faites des œuvres de ce que vous pouvez supporter. C'est-à-dire que même si ta femme doit t'obéir, ne la surcharge pas de ce qui lui est insurmontable. Cela est un comportement qui est mauvais. D'accord? En mesure de ses capacités. Bien évidemment. Et la femme n'a pas la force d'un homme. La femme n'a pas le physique d'un homme. La femme n'a pas l'endurance d'un homme. D'ailleurs, même chez les koufars, hein, malgré qu'ils veulent l'égalité des sexes, dans les compétitions sportives, les femmes ne sont pas avec les hommes. D'accord? Vous le voyez bien. Malgré qu'ils veulent mettre transgenre avec les femmes, c'est de la triche. Même pour les femmes, ça c'est une injustice envers elles. Parce que l'homme, bien sûr, il va gagner. Hein. Ça c'est sûr et certain. Mais même dans le sport, on ne met pas, par exemple, une sprinteuse avec un sprinteur. On ne met pas une boxeuse avec un boxeur. On ne met pas une footballeuse avec un footballeur. D'accord? Même dans leur sport qu'à la mode, là, le MMA, on ne met pas de combattante avec un combattant. Jamais de la vie. Ils savent déjà c'est quoi le résultat. C'est une chose qui est évidente. D'accord? Même je donne souvent l'exemple, dans la police, maintenant ils mettent des femmes dans la police. Dans la police qui tourne dans les rues. Avez-vous déjà vu, dans la police, ils sont combien? Ils sont 4 par voiture. 4. À chaque fois, il n'y a qu'une seule femme. Pourquoi il n'y a pas de 4 femmes, ou 3 femmes et un homme? Même chez eux. La femme est toujours toute seule avec des hommes. D'accord? Pourquoi on ne voit jamais une patrouille de femmes ensemble? On voit des patrouilles d'hommes tout seuls. Pourquoi on ne voit jamais des patrouilles de femmes sans hommes? Parce qu'ils savent ce qui va se passer. D'accord? Tout ce genre de métier, on sait très bien c'est comment. Donc, toute leur idéologie de l'égalité des sexes n'est que mensonge et mythomanie. D'accord? Comme à l'armée également. On va envoyer des femmes combattre, protéger la patrie, la nation. Même les hommes, ils auront peur s'ils savent ça. Ce sont des femmes qui combattent pour les défendre. Vous avez déjà vu dans les manifestations des charges de CRS des femmes au front? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Ils savent très bien que ce n'est pas valable. D'accord? Ils savent très bien que ce n'est pas valable. Et que ça ne tient pas debout. Ça va contre nature et à contre raison. Donc la femme, eux-mêmes, en faisant cela, eh bien, la surcharge. En mettant des femmes policiers, il la surcharge. En mettant des femmes militaires, il la surcharge. En mettant des femmes dans des postes à responsabilité dans le gouvernement, il la surcharge. En mettant des femmes pilotes de chasse, il la surcharge. En mettant des femmes qui vont dans la Lune, soi-disant, là, comment ils disent qu'ils vont le faire, il la surcharge. La femme, sa place n'est pas dans la Lune. Déjà, l'homme non plus, c'est pas sa place dans la Lune. L'homme, c'est sur Terre, sa place. C'est pas dans l'espace. D'accord? Ça, la place de l'homme, Allah l'a créé la Terre sur, il a créé pour vous, c'est sur Terre. Le lieu de vie pour l'homme, c'est la Terre, c'est pas l'espace, c'est pas Mars, c'est pas la Lune. Si jamais ils ont vraiment été, si jamais ils comptent vraiment y aller. Alors encore moins la femme. Ce n'est pas sa place. Donc tout cela va à contre nature et à contre raison. Yaqul فعلى هذا لا يجوز للزوج أن يكلف زوجه فوق ما تطيق أو يشك عليها. Donc de là, il n'est pas permis à l'homme d'imposer à sa femme ce qu'elle ne supporte pas. Ce qui lui est difficile. Yaqul wa ta'atakun fi ghayri ma'siyatillah, et que l'obéissance n'est pas valable dans la désobéissance à Allah azza wa jall. Kama yuqal la ta'at li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Ça c'est général. Et c'est valable également pour l'épouse avec son époux. Que la femme d'obéir à son époux dans le convenable. Ça veut dire que même si l'époux interdit à son épouse une chose qui est halal, elle doit obéir. Elle va dire, mais c'est halal. Oui, c'est halal, mais je ne veux pas que tu le fasses. Par exemple, je ne sais pas, son épouse, elle veut mettre un vêtement en particulier qui est halal. Son époux dit, je ne veux pas que tu mettes ce vêtement-là. Elle dit, mais j'ai le droit. Il dit, je ne veux pas que tu mettes ce vêtement-là. Par exemple, son épouse veut faire une chose qui de base est halal. Son mari, il ne veut pas. Et là, c'est raison. Hein. Là, il dit, je ne veux pas que tu fasses ça. À ce moment-là, l'épouse doit obéir, même si c'est halal. D'accord? Le but, c'est pas d'obéir dans le halal fakat et dans le haram, j'obéis pas. Même dans le halal, si l'époux interdit une chose, elle doit l'écouter, tant que cela lui est supportable. Yaqul wa yahrim 'alayha an tu'ziyahu. Il lui est interdit à la femme de porter atteinte à son époux. Vous voyez, par les paroles, par le comportement, tout ce qui emmène à contrarier son époux. Comme a dit le hadith de Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حول العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'une femme, il n'y a pas de femme qui contrarie son époux, lui porte atteinte en ce bas monde, sans que l'une des femmes, c'est-à-dire de son époux, parmi les hulul ayn, c'est-à-dire les femmes du paradis, ne dise à cette femme-là sur terre qu'Allah te combatte, car il n'est auprès de toi que pour un temps. Il n'est auprès de toi que pour un temps. Il est sur le point de te de se séparer de toi pour nous rejoindre. Ça veut dire quand il va mourir, il sera plus avec toi, il sera avec nous. Donc en fait, c'est comme si elle disait, prends soin de lui, quoi, quand qu'il en soit, il va revenir vers nous. Et là, on parle des hommes qui vont entrer au Jannah, bien évidemment. Donc il y a des Hurul Ayn qui font des doigts contre l'épouse. Et le fait qu'elles doivent obéir à son époux, cela n'empêche pas qu'elles puissent faire une kala bonkar, qu'elles puissent réprimander le blâmable. D'accord? Si son époux fait une chose qui est mauvaise, elle a le droit de le dire. Même elle doit le dire. Mais de façon convenable. D'accord? Avec bon comportement, avec respect, et elle fait une kala bonkar. Comme ce fut le cas, justement, de, Abu Rafi avec son épouse, dans le hadith, dans lequel cet homme, Abu Rafi, faisait salat, et dans salat, il a eu un gaz. C'est-à-dire qu'il a pété. Donc il a perdu ses ablutions. Et sa femme a voulu le reprendre. En disant, en lui disant que sa salat, il devait refaire les ablutions pour la salat. Et de là, Abu Rafi a frappé son épouse. Ensuite, ils sont partis se plaindre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils puissent trancher entre eux. Et de là, il expliquait qu'est-ce qui s'est passé. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bima azaitihi ya Salma. Il a dit, en quoi tu l'as contrarié, tu l'as porté atteinte au Salma? Elle a dit, qalat ya Rasulullah, ma azaituhu bi shay, walakinahu ahdasa wa huwa yusalli, faqultu lahu ya Abu Rafi, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qad amara المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقال ما فضربني فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافيع إنما لم تأمرك إلا بخير. Donc de là elle a dit, يا رسول الله, je ne lui ai pas porté atteinte, je ne l'ai pas contrarié, et je ne l'ai pas offensé, je n'ai pas mal parlé, juste il a fait salat, d'accord, et pendant la salat il a eu des gaz, et là je lui ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les muslimines, lorsque ils ont un gaz qui sort dans la salat, d'arrêter de faire les ablutions. Et de là, il m'a frappé. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entendant cela, il a rigolé, parce que c'était pas non plus, je pense pas qu'il ait frappé la femme de façon violente et abusive. Quoi qu'il en soit, il lui a dit, « Ya Abu Rafi, elle ne t'a en rien contrarié, ni t'a porté atteinte, juste elle t'a ordonné le convenable. » Ce que t'as dit, c'est vrai. Donc là, il a donné raison à l'épouse, et non pas à son époux. Donc la femme a le droit, lorsque son mari fait une erreur, de le reprendre. D'accord? Mais elle le reprend selon son niveau. Kanatakul Bardes Salaf, des femmes auparavant disaient que nous parlions à nos époux comme vous parlez à vos gouverneurs. Donc demain, ton gouverneur, il va faire une chose qui est mauvaise. Comment tu vas lui parler? Comment tu vas lui dire? Ou demain, on va dire à une femme, ton père, ton propre père, fait une chose mauvaise. Ou fait une chose qui te déplaît. Comment tu vas lui dire? Tu vas crier sur lui? Tu vas l'insulter? Tu vas la rabaisser? Non. Jamais de la vie, c'est ton père. Eh ben, ton mari, on l'a dit au début du livre, il a un droit encore plus grand que ton père. Donc ça, c'est un point qu'on rappelle souvent à la femme. Quand tu parles à ton mari, rappelle-toi bien, est-ce que tu parles comme ça à ton père? Rappelle-toi bien, quand tu te disputes avec ton mari, ou qui t'a contrarié, ou quelque chose qui te déplaît, que tu veux lui faire savoir, comment tu lui parles? Est-ce que tu parles de la sorte à ton père? Si elle dit non, dit alors parle encore mieux que ça à ton mari. Et si elle dit oui, je dis ben ton père il t'a, je sais pas si t'as mal éduqué ou quoi, mais c'est pas une bonne chose. Toujours la femme se rappelle de cela. Est-ce que ce que je dis à mon mari ou le comportement que j'ai avec mon mari, je dois avec mon père ou pas? Est-ce que ce serait passé ou pas? Là, alors, alhamdoulilah, sa propre balance, elle va s'auto-juger elle-même par rapport à ça. Taïeb. Et elle a dit également parmi les choses qui sont contrariantes envers l'époux, قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Que toute femme qui demande à son époux le divorce sans raison valable, que le Jannah lui sera rendu interdit. Subhanallah. C'est-à-dire l'odeur du Jannah, elle va pas la ressentir du fait que cela lui sera rendu interdit. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه العبد الآبق حتى يرجع والمرأة باتت وزوجها عريا ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. Il y a trois personnes dont la salat ne dépasse pas les oreilles, c'est-à-dire qu'en fait leur salat n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit l'esclave fugitif jusqu'à ce qu'il revienne auprès de son maître. La femme qui passe la nuit alors que son mari est en colère envers elle, de façon générale. Et une colère, bien sûr, légitime. Et un imam dont les gens, que les gens détestent. Donc regardez bien, lorsqu'une femme passe la nuit alors que son mari est en colère contre elle pour X raisons, parmi les raisons valables, bien évidemment, à ce moment-là, sa salat ne l'est pas acceptée. Subhanallah. Donc c'est important, lorsqu'une femme se dispute avec son mari, qui va se coucher en colère, qu'est-ce qu'elle doit se dire à ce moment-là? Parce que les femmes, elles se disent, j'en ai rien à faire, il peut être en colère, voilà quoi. Ainsi de suite. Pas de prise en considération. Donc si la colère de l'époux, elle est légitime, la salat de cette femme, à ce moment-là, n'est pas acceptée. Subhanallah. Et l'imam dont que les gens détestent, c'est un imam, les gens détestent de façon illégitime, de façon légitime, je veux dire. C'est pas par exemple l'imam, il est salafi, machallah, et les gens derrière, ils aiment pas ça. Ouais, il est trop dur, ainsi de suite. Non, ça c'est pas ça que le hadith il veut dire. Au contraire, souvent c'est pour un imam qui sera un moubtadir, par exemple, ou un imam qui sera trop lourd pour les gens. Et c'est valable pour l'imam du masjid, également de l'imam, une personne qui a autorité, ça peut être un gouverneur ou autre, une personne que les gens détestent. On se la rappelle aux gens qui ont autorité de faire attention avec leur peuple, avec leurs suiveurs. Le gouverneur avec ses gouvernés et l'imam dans la salat avec les gens qui le suivent derrière. D'accord? Qu'ils ne fassent pas en sorte de se faire détester par eux d'une détestation qui leur soit légitime à eux. Sans quoi, sa salat, elle sera invalide. Et subhanallah. Et combien on voit d'imams dans les masjids en France, la salat, ils la font trop vite, ils la font trop mal, il fait la khutba, il dit n'importe quoi, que du djihel, et ainsi de suite, où il incite les gens à faire des choses mauvaises, et les gens s'en rendent compte, et le détestent pour cela. Mais ils n'ont pas le choix, car c'est lui l'imam. D'accord? Eh ben, ce genre de personne-là rentre sous la menace de ce hadith. Non. Taïeb, de base, je voulais prendre les, faire cinq droits, mais j'ai tardé, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Bizina ta'ala. On poursuivra Yom Asept. Non. Avant de finir, j'aimerais faire un rappel pour les nouveaux arrivants, et principalement nouvelles arrivantes. Je vous demande l'Illah Ta'ala pour un bon déroulement de ces douros et espérer trouver la baraka le plus possible, de respecter les consignes que j'ai exposées sur la chaîne, qui est que les femmes évitent de faire en sorte qu'on les reconnaisse, c'est-à-dire par leur kunya ou autre, qu'elles fassent en sorte de passer anonymement sur la chaîne et expliquer comment faire. Celles qui ont qui n'ont, par exemple, je ne dis pas aux gens de changer leur compte Telegram parce qu'ils en ont besoin pour que moi. Leur vie, pas pour moi. Ils ont des amis, ils ont des familles, ils ont du travail, des choses. Ils ont besoin d'être reconnus. Mais pour écouter les doulos, que ce soit ici ou avec d'autres prédicateurs ou quoi, on vous demande, pour passer anonyme, créer un canal en privé. D'accord? Sur Telegram, dans les paramètres. Et vous allez trouver directement ceux qui ont Telegram sur le PC. Vous allez voir, ouvrir un nouveau canal. Sur le téléphone, je dis pas trouver, mais normalement, c'est présent. Vous ouvrez un canal. Ce canal-là, vous le nommez. Une nomination, peu importe, des lettres, des chiffres, des symboles, peu importe. Ou un mot qui n'a rien à voir, je sais pas moi, islam, ou taqwa, istiqama, sunna, tawhid, comme vous voulez. D'accord? Et par la suite, lorsque viendra l'heure du ders, pour se rentrer dans le majlis, là, qu'on fait là, Telegram va vous proposer, voulez-vous rentrer avec votre compte personnel ou avec la chaîne que vous avez ouverte. Et là, vous prenez la chaîne. Et à ce moment-là, vous serez dans, parmi les participants, dans un total anonymat, mashallah. D'accord? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et j'encourage les maris qui laissent leurs épouses écouter les doulous de faire de cette façon-là dans tous les doulous diffusés en général sur Telegram. Les autres applications, je les connais pas. Le système pour être anonyme. Sur Telegram, faites comme cela c'est mieux. D'accord? Cela est meilleur. Et cela ne prive rien du ilm et du ders qui aura écouté. Il n'y a aucune différence. Le son est le même, le ders est le même, l'enseignant est le même, la faïda elle est la même. Belle, il y a une baraka en plus. Taïeb, il y a un apaisement, une sécurité en plus. Taïeb, fa'anak tafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.